Vous écoutez Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est bon. Salut Lynn. Salut Alessandra. Alors, bienvenue à Crépidule number 2. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va commencer par une aventure que tu as vécue, toi. Oui, moi je suis allée à Lisbonne au Queer Lisboa, donc un festival de films queer. Et après, on va évoquer une pièce de théâtre, King Kong Girl, qu'on est allé voir à Genève. Ouais, yes. Mais commençons par Lisbonne, donc Queer Lisboa. C'est, comme son nom l'indique, un festival de films queer. Le festival se tient chaque année en début d'automne et il est cette année à sa 20e édition. Et petite rectification de ma part, parce que dans le dernier podcast, j'ai dit que c'était le plus vieux festival de films d'Europe. Ce n'est pas du tout vrai, non. Alors, son mérite historique, c'est d'être le premier festival de films à Lisbonne. Voilà. Et ça, c'est fou quand même. Et c'est quand même assez fou. Que cette thématique-là ait ouvert ce champ. Oui, et puis, petite historique internationale, le festival le plus ancien, il date de 1976, en Australie. Ouais. L'année suivante, l'édition de San Francisco, qui est l'un des plus gros aujourd'hui. Et au niveau national, en fait, il y a le Queersicht, qui est le festival queer le plus ancien, donc à Berne. Ouais. Et qui est aussi de 1997, en fait. Ouais, alors même année que Queer Lisboa, de création. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est leur jeu de mots, parce qu'en fait, Queersicht, donc ce serait une vision ou un avis queer, mais queer, en allemand, ça veut dire transversal. Et ça, pour le queer, c'est bien d'être transversal. Tu nous rappelles ce que ça veut dire? Transversal. Non, queer. Queer. Ah, je croyais que c'est toi qui faisais l'introduction. C'est juste une petite définition. Ah, littéralement? Oui. Alors, ok, pardon. je suis pas le script. Alors, queer... Quoi, t'as un script, toi? Alors, queer, ça veut dire littéralement étrange, bizarre. Anormal. Anormal. Ça, c'est moche quand tu te le reçois dans la figure. Ouais, anormal. Et ça vient de... Écoute, c'est un terme qui est très ancien. On trouve sa trace dans une lettre d'un marquis... en 1994, un marquis américain, qui était utilisé comme une insulte pour des hommes efféminés. Et en fait, c'est un terme qui va donc exister pendant ces années-là, mais qui va surtout ressurgir dans les années 90. Parce que politiquement et historiquement, en fait, cette décennie-là, elle est à la suite, en fait, de mobilisations LGBT qui ont commencé aux États-Unis, notamment dans les années 50, et qui vont, au fur et à mesure, dès les années 60, changer un peu de posture. Ouais. C'est-à-dire que... Notamment avec Stonewall. Voilà. C'est un peu, ouais. Donc, après avoir voulu être un peu accepté, confondu, invisibilisé dans la société, il y aura une pratique de revendication, de célébration de la différence. Et son rôle, c'est le fait de ne pas accepter effectivement d'être traité de cette manière-là. Notamment suite aussi à l'épidémie de sida dans les années 80 aux États-Unis, où tout d'un coup, là, il y a eu une montée en puissance de la mobilisation, de dire nous, en fait, vous nous insultez avec ce terme queer, et en fait, on va le prendre comme une fierté. Oui, parce qu'on peut dire ça, parce qu'il y avait une forte stigmatisation. Suite à l'apparition du sida, notamment dans la communauté gay, homosexuelle masculine. Et aussi, non seulement une forte stigmatisation, mais aussi le gouvernement américain n'a pas fait grand-chose. C'est ça. Alors que, je pense, la découverte de la maladie s'est faite au début des années 80, genre 81 à Los Angeles et New York. Et quoi, 5 ans plus tard, il y avait déjà 10 000 personnes décédées. Et en 91, il y en a 20 000. Donc, c'est dire aussi... Et ça, seulement à New York. Voilà. Seulement à New York. Donc, c'est les communautés qui ont aussi subi... à la fois des pertes et une stigmatisation très forte. Je pense aussi une urgence d'agir qui sortait de ça, de cette situation. Oui. Et puis, du coup, comme dans toute mobilisation, en fait, il y a comme on l'a eu aussi pour le féminisme, C'est qu'en fait, en se revendiquant LGBT ou homo, c'était une sorte d'étiquette qui ne mettait pas en fait en évidence les différences des expériences de chacune et chacun. Ouais. Donc en fait, il y a une volonté d'avoir une pensée liée à l'intersectionnalité, donc de dire, ok, homo, là, pour l'instant, ça s'apparentait plus à une posture d'homme blanc, et puis de croiser les réalités et de dire, bah, en fait, queer pourrait amener une autre présence, une autre visibilisation à la fois de femmes, de personnes issues des communautés, et de déconstruire en fait ces catégories homo-hétéro. Ouais, ouais. Bah, c'est une volonté aussi de complexifier, je pense, et de dénaturaliser ces catégories quelque part. Bah, après, c'est Teresa de Lauretis qui a utilisé en 91 pour la première fois le terme queer theory, ou théorie queer, pour justement, pas dans un mouvement de critique envers les catégories lesbiennes et gays, catégories lesbiennes et gays. Oui, ouais, c'est ça, je sais. Qui en fait tendait à homogénéiser une identité ou des identités. Voilà, en fait, c'est un peu ce terme de chaos identitaire hein, qui est revendiqué dans cette posture queer. Donc en fait, on ne peut pas dire « je suis queer », mais en fait, c'est plutôt propre à des... Enfin, on ne peut pas dire, je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent « queer ». Oui, c'est plus précis de parler de posture ou de pratique, dans le sens que la nécessité d'avoir une identité vient dans la mobilisation politique, mais elle ne doit pas être fixe après par la suite. C'est comme si c'était une étape, en fait. Pour là, une revendication, c'est important de me définir, mais dès que j'ai obtenu, ça on peut rêver, ce pourquoi je lutte, alors je ne vais pas continuer à garder une étiquette sur le front. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de queer dans ce festival? Bah, justement, c'est ça à quoi j'ai beaucoup réfléchi en étant là-bas, parce que je pense que j'avais beaucoup d'attentes en y allant. Je me réjouissais de découvrir un événement queer à Lisbonne. Et je pense que je m'attendais à beaucoup de discussions, à rencontrer des militants et des militantes LGBTQI ou queer là-bas. Et en fait, non, je n'ai pas du tout rencontré de militants. Il n'y avait pas de présence de groupes militants dans le festival, donc pas de stands ni de... Oui, des événements, des conférences parallèles aussi, qui ne soient pas directement liées à un film. Ouais, mais... bah ça, il n'y avait pas non plus. Il n'y avait pas de débat autour des thèmes qui étaient amenés par les films. Et en plus, beaucoup des thèmes amenés par les films étaient des thèmes gays, donc vraiment avec des hommes blancs, une sexualité entre hommes. Cette complexité qui, d'après moi, est amenée par le terme queer, j'arrivais pas à la retrouver en fait dans le festival. Oui, il y avait des films aussi magnifiques et queer, et je vais en présenter deux maintenant, mais voilà, une petite déception là quand même. Mais je sais pas si est-ce qu'on continue de parler de queer maintenant et je présente les films après ou j'y vais pour ces films. Bah vas-y, parle-nous de ces films. Alors, okay. On piaffe. Un truc bien. Et pas que de la critique. Alors vraiment, j'ai choisi les deux films que j'ai le plus aimés et que je pense aussi sont très queer dans leur thématique. Alors, premier film, un court-métrage suédois de Johanna Rytel. Je dirais que l'accent suédois. Rytel. Donc c'est une animation en pâte à modeler qui s'appelle Moms on Fire. Et toi, tu n'as pas lu le film, mais... Mais ça, c'était chaud. Quand tu fais une recherche sur YouTube, tu tombes sur du bon gros porno avec Moms on Fire. Mais t'as fini par trouver le trailer, quand même. Ben, j'ai trouvé un petit extrait qu'on va mettre sur le site, mais pas le trailer officiel, en fait. J'ai par contre trouvé une interview de la réalisatrice. Ouais. Et vas-y, raconte-moi. Je raconte ça le film, d'abord. Ouais. Ah oui. Donc, le film, on suit deux femmes qui sont non seulement enceintes, mais méga, méga enceintes. Elles sont en terme de grossesse et c'est vraiment leurs 4 derniers jours avant d'accoucher. Oula. Et voilà, elles sont tellement énormes qu'elles ne peuvent plus bouger, elles sont affalées dans un canapé. Alors déjà, à un moment, par exemple, ça parle de masturbation. Et donc, l'une des deux mamans... Oui, voilà. Non, parce que je réfléchissais à ce qu'il faut que je dise qu'elles sont voisines, pas qu'on croie qu'elles ont une... elles sont mariées Ah, ensemble. Enfin, d'accord. elles sont voisines et puis elles se retrouvent l'une chez l'autre sur la canapé de l'une ou de l'autre. Et à un moment, justement, ça parle de masturbation où l'une elle dit oui, mais moi aujourd'hui j'ai fait que de me masturber parce que voilà, de toute façon, j'arrive pas à bouger de mon canapé, puis je m'ennuie. Et puis l'autre, elle dit un peu, oh la chance, moi, j'arrive plus à atteindre, en fait, tellement elle est grosse. Et puis du coup, l'autre, elle dit, ah, mais tu veux que je t'aide? Et là, C'est bien de bon, céder c'est entre bien. voisines. Donc là, bon, enfin voilà, du coup, il y a là une relation entre les deux mamans qui s'instaure. Et ouais, j'aime beaucoup parce que ça parle de. Bon, déjà, ça pose ces femmes très enceinte en tant que sujet de désir, enfin sujet, ouais, Désirant. désirant, en tant que sujet désirant. Et voilà, ça remet aussi en question comment on représente des femmes très enceintes, parce que voilà, il y a aussi, c'est assez drôle, en fait, elles fument, elles boivent, à un moment, il y en a une qui tire une raie de coke, et en fait, Oh. cette raie de coke, elle dit maternité. C'est très drôle. Elle suit les lettres comme ça. Ouais, c'est très beau. Du coup, je trouvais très intéressant. Puis c'est aussi, c'est très, en même temps, très drôle. Et je trouve aussi que dans l'aspect esthétique, cette pâte à modeler un peu sale comme ça Oui. amène aussi une autre dimension. Oui, en tout cas, c'était tout à fait ce qu'exprimait la réalisatrice, hein, de vouloir déconstruire l'image de la bonne mère. Et puis elle parle de ce corps de femme enceinte qui est soit sacralisé, soit très érotisé, mais toujours d'un point de vue masculin, le male gaze, comme on l'appelle dans les études visuelles. Et donc de repositionner effectivement ces femmes comme des sujets actifs et non plus des objets. Ouais. C'est vrai que ça a l'air très drôle. J'espère qu'un jour ça Ouais, circulera si sur vous les réseaux. arrivez à mettre la main dessus, je vous invite vivement à le regarder. Et deuxième film, Grandma de Paul Weitz. Donc, petite introduction juste, Paul Weitz, c'est donc le réalisateur de American Pie. Ce vieux Et film. oui, ce vieux film. Et si jamais pour une critique de American Pie, je vous renvoie à la BD Commando Culotte de Myrion Maille, dont on a déjà parlé en fait dans le premier podcast. Et bon, on mettra en lien de toute façon. Oui, le lien du Ouais. site est déjà sous le podcast Ouais. précédent. Ça parle de quoi alors, ce Alors, Grandma? d'abord, j'aimerais dire que moi, je me réjouissais beaucoup de voir ce film parce que il y a Lily Tomlin qui joue dedans. Et Lily Tomlin, cette actrice géniale, elle joue aussi dans ma série chérie de ces dernières 3 semaines. Qui est en train de devenir la mienne. Je suis tombée Oui, dans la soupe t'as hier commencé à soir. regarder hier soir. Yes, Ouais, c'est vraiment très chouette. yes. Et donc, qui s'appelle Grace and Frankie. Et bon, on m'a pas abordé plus que ça. Mais c'est bien subversif aussi, Ouais, hein, sur ouais. les sexualités de personnes âgées, Ouais. sur... Bon, c'est sur plein de trucs, en tout cas, regardez-le et peut-être qu'on pourra aussi en Ouais. parler quand on aura vu Quand quelques j'aurai épisodes en avancé. plus. Ok. Ah, puis juste dire que cette comédienne, rappelle-moi le nom, celle que tu adores, Lily Tomlin. voilà, c'est une des rares comédiennes d'Hollywood qui s'est déclarée lesbienne. Donc voilà, une activiste. Yes. Donc, Grandma, de quoi ça parle? Alors, le plot du film. Elle Reid, jouée par Lily Tomlin, reçoit un matin la visite imprévue de sa petite fille qui lui demande 600 dollars pour faire un avortement. Et donc, sa petite fille a un rendez-vous en fin d'après-midi, le jour même, Oh, dans c'est une chaud. clinique, et il faut qu'elle mette la main sur les 600 dollars. D'accord. La grand-mère, donc Lily Tomlin, est une académicienne et poétesse qui est un peu en pause de carrière, disons, ou qui traverse un petit moment sans argent. Mais c'est assez drôle parce que justement, elle montre à sa petite fille, elle dit, mais moi, j'ai pas l'argent. D'ailleurs, regarde, j'ai coupé toutes mes cartes de crédit et j'en ai fait un mobile. Puis c'est super, c'est en Californie, elle vend comme ça. Et puis, Ouais. Et enfin bref, donc, elle n'a pas l'argent, alors elles se lancent toutes les deux dans dans un road trip assez local où elles vont rencontrer différentes personnes pour essayer d'avoir cet argent. Mmh. Oui, voilà, alors du coup, en fait, la fille, elle n'ose pas aller voir sa mère parce qu'apparemment, on comprend dans le film que c'est quelqu'un de très autoritaire et elle en a assez peur. Elle a peur de la réaction de la mère. Et la grand-mère, en fait, la comprend très bien parce qu'elle elle même a un petit peu peur de sa propre fille. Mais bon, finalement, elles ne vont pas réussir à avoir tous les 600 euros. Elles ne vont pas réussir à avoir tous les 600 dollars. Donc, elles vont aller voir la mère qui est en fait chef d'entreprise. Et du coup, c'est aussi assez drôle parce qu'elles arrivent donc, dans l'entreprise, dans l'immeuble où il y a le bureau de la mère. Et elles peuvent même pas accéder en fait à son bureau. Elles doivent d'abord attendre dans la réception. Et puis c'est le secrétaire de la mère qui vient les chercher et qui leur dit « Oui, alors elle peut vous recevoir maintenant. » Et après, c'est très drôle parce que la première scène, on voit la mère qui est jouée par la géniale Marcia Gay Harden, qui est aussi une de mes actrices chéries. Et je savais même pas en voyant le film, j'étais tellement contente. Cerise sur le gâteau. Trop bien. Et voilà, en fait, on la voit dans son bureau, elle est en train de courir sur un tapis de course, tout en parlant au téléphone, tout en tapotant sur son ordi, tout en buvant une petite boisson détox. C'est très drôle. Puis tout de suite, elle leur fait « Mais vous faites quoi ici ? Mais qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. « Et toi, tu fais quoi ici ?» elle dit à sa mère. C'est très drôle. Et puis la fille finit par lui dire « Oui, mais j'ai besoin de cet argent pour un avortement, parce que je suis enceinte. » Et tout de suite, alors c'est pas du tout... Enfin, la mère, elle a une réaction négative dans le sens où elle dit « Mais quoi ? Comment t'as pu tomber enceinte ? Je t'ai donné une boîte de capote, il y en avait au moins 100, est-ce que tu les as tous utilisés ?» Mais c'est pas dans un sens « Ah, tu as couché avec quelqu'un et c'est très grave. » Oui, quelque part, t'as mal géré ton affaire. Voilà, hein, c'est plus ça. Parce qu'elle elle gère tout à fond, elle contrôle tout à fond, tandis que c'est pas sa fille. Mais tu vois, je trouvais... Bon, j'ai pas vu le film, j'ai vu la bande-annonce, etc. Mais je réfléchissais à cette idée de génération de femmes par rapport à l'avortement. Et puis en fait, elles incarnent bien des différences historiques de rapport à ce droit. Ouais. Parce que du coup, la grand-mère, quand elle était jeune aux États-Unis, l'avortement était considéré comme un crime. Ouais, et d'ailleurs, dans le film, on apprend qu'elle a fait un avortement étant jeune. Et d'ailleurs, un avortement illégal dans une cave avec un homme qui se disait médecin, mais on ne sait pas trop, et qu'elle en garde un traumatisme. Ouais, bien glauque. Donc voilà, cette grand-mère, elle est tout à fait conscientisée de par sa propre expérience et sa génération. La mère, justement, elle gère. Ça, c'est quelque chose... d'ailleurs, elle a eu sa fille par insémination. Artificielle. Voilà, vraiment, elle incarne le contrôle absolu. Donc voilà, pas dans la revendication. Oui, puis j'ai oublié de dire, mais en fait, donc la grand-mère, on apprend aussi qu'elle est lesbienne et qu'elle a vécu pendant très longtemps avec sa compagne qui vient en fait de décéder il y a peu. Mm-hmm. Et du coup, que la mère, donc Marcia Gay Harden, elle a grandi dans une famille non conventionnelle. Oui. C'est aussi très intéressant, mais c'est même pas montré, mais c'est amené par le discours, je trouve. Sans être un problème, en fait. Sans être ni un problème, ni quelque chose qui est présenté comme extraordinaire. Ouais. Et puis, du coup, le problème, pour le coup, en reprenant ce terme qu'illustre cette histoire, c'est qu'en fait, ça a beau être légal aux États-Unis, c'est pas facile du tout de se faire avorter. Et on parle notamment de désert de l'avortement, parce qu'il y a des régions entières, dans le grand sud des États-Unis par exemple, il n'y a pas de clinique, rien. Donc il faut pouvoir faire des kilomètres, se déplacer. Puis juste aussi au passage, là en juin, ça c'est une bonne nouvelle, donc autant en parler, il y a la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé une loi texane. Cette loi, elle restreignait l'avortement en imposant des normes pour les établissements qui pratiquaient les avortements, des normes qui devaient être semblables en fait aux salles d'opération chirurgicales. Du coup, il y a beaucoup de cliniques qui ont fermé. Oui, parce que c'est pas les moyens de s'équiper de cette manière-là. Et puis juste que cette obligation, elle concernait pas des procédures médicales beaucoup plus dangereuses comme l'accouchement par exemple. Ouais. Donc on voit que les États peuvent pratiquer des mesures restrictives à ce droit. Mais bon, là, ça a été quand même un signal très fort en faveur du droit à l'avortement aux États-Unis. Mais voilà, cette jeune fille, bah, elle a en l'occurrence une journée, là, c'est peut-être pour le film, mais elle doit trouver cet argent, ce qui n'est pas quelque chose de faisable pour tout un chacune. Ouais. Donc voilà, je trouve que cette histoire, elle évoque aussi ça par rapport à l'histoire des droits pour avorter. Ouais, bah un très bon film en tout cas, qui malgré sa légèreté parfois, qui est peut-être un peu... Parfois, le sujet est peut-être un peu amené de manière trop légère, mais ça prête beaucoup à réflexion. Donc, ouais, super. Bah, si ça sort, je pense, enfin, j'espère que ça va sortir sur nos écrans, ça parce que c'est comme un long métrage, hollywoodien. Mais donc, voilà, tu parles de ces deux films qui t'ont beaucoup plu, mais donc, voilà, quand tu parlais de ta déception par rapport au festival, c'était dans une dimension politique, c'est ça, qui lui manquait, hein? Ben, moi, je trouve, parce que, du coup, de par le programme, donc, comme j'ai dit avant, où il y avait... Je trouvais que le programme était plus gay que queer. Voilà, après, le festival, il y avait 114 films, longs et courts-métrages confondus. Moi, j'ai pas du tout pu tout voir. Et je pense que j'ai même pas vu la moitié, mais j'ai quand même pu feuilleter le programme. Et puis, je trouvais, on sentait vraiment aussi, de par aussi l'absence de débat, comme j'ai dit avant... Voilà, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, me manquait beaucoup parce qu'il y avait des films magnifiques, il y avait quand même beaucoup de thèmes aussi très intéressants qui étaient amenés. Mais voilà, après, on en reste là et on ne développe pas les outils en plus. Bon, c'est aussi tout d'un coup une posture par rapport au public où on veut peut-être plus passive, où ça, d'un coup, ça se passe dans l'obscurité de chacune et de chacun. Et puis après, on va pas trop les titiller, les faire réfléchir. Oui, je pense qu'il y a déjà de ça. Et puis, est-ce que c'est aussi une manière de se positionner par rapport à la culture plus mainstream en disant oui, alors nous, on est un festival qui, avec une thématique qui interroge, mais ne vous inquiétez pas, on va pas venir trop vous interroger non plus. On garde... ces thématiques bien dans l'obscurité, comme tu dis, dans la salle de cinéma, mais ça va pas en dehors de là, donc ne soyez pas effrayés, acceptez-nous. Et du coup, je trouve que ça amène pas assez, ou que la culture queer puisse être un outil pour une culture plus inclusive, plus diversifiée. Mais c'est aussi, bon là on n'a pas les moyens d'y répondre, mais ce serait intéressant de voir dans ces 20 ans, aussi, comment ça évolue? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'un temps, il y avait plus de... Bon, alors, je sais pas. J'ai pas de réponse, mais par exemple, le festival, d'abord, s'appelait Lisboa Lesbian and Gay Festival, Film Festival. Et je pense que c'est au cours des 5-6 dernières années qu'ils ont changé pour queer. Donc, je veux dire, ce terme queer, quelque part, est revendiqué par le festival. C'est vrai. Et quand on lisait le programme, voilà, enfin quand je lisais le programme, il y avait quand même, vu que c'est le 20e festival, il y avait des gens qui avaient écrit par rapport à l'évolution du festival et qui disaient qu'il y avait une envie de complexifier, d'amener d'autres thématiques, de devenir plus politique, mais dans un sens plus queer. Et cet aspect politique, je ne l'ai pas tellement ressenti. Même si oui, c'est très politique de montrer des films avec ces thématiques-là, mais... voilà, moi ça me manquait. Après voilà, loin aussi de moi de vouloir imposer une sorte de mesure pour dire qu'est-ce qui est queer et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est aussi là je parle d'une expérience personnelle. Mais voilà, ça m'a fait réfléchir. Et ouais, peut-être je peux aussi raconter deux anecdotes qui vas-y, croustillantes qui m'ont vraiment marqué, et là, pour le coup, que j'ai trouvé du coup très dommage qu'il n'y avait pas eu des espaces de débat. Alors, donc première chose, donc le festival, le QG, c'était dans un grand cinéma des années 50 de Lisbonne, où il y avait en fait un bar à l'étage et un bar au rez-de-chaussée. Et à ces deux endroits, il y avait des bols posés sur des tables avec des préservatifs. Et donc, c'était des sortes de petits packages, donc une capote et du lubrifiant. Et sur le paquet, il y avait deux hommes. Donc déjà là... Mise en scène de la sexualité, d'une sexualité masculine. Voilà. Et un deuxième, une deuxième anecdote. Alors, c'est que pendant la remise des prix, donc à la clôture du festival, un des prix était subventionné par une marque de sous-vêtements portugais pour hommes. Ah. Et du coup, il y a eu une lancée depuis la scène de sous-vêtements pour hommes dans des petits packages dorés. Puis bon, de nouveau, on est là un peu vraiment depuis la scène avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'étais là, ouais, bon, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Et il n'y avait pas du tout de pendant à ça, pendant la remise après. Et dernière chose, et je pense qu'il a vraiment, moi, m'a le plus marqué ou le plus blessé dans cette envie d'être dans un événement queer, ou dans le plaisir que ça peut être d'être dans un événement queer, c'est que j'ai assisté à un masterclass qui était donné pour des jeunes réalisateurs et réalisatrices, et qui ne parlait pas du tout de sujets queer, mais qui était plus axé sur la production et donc dans la perspective d'une carrière dans le cinéma. Et donc sur scène, il y avait un cinéaste, une productrice et un acteur. Et l'acteur n'arrêtait pas d'adresser le public en disant « you guys are the future of filmmaking ». Et voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment blessant et vraiment déplacé à ce moment-là. Mais justement parce qu'on en a déjà discuté ensemble, mais... Oui, ça paraît rien, ça paraît une petite chose sans importance, mais c'est vrai que d'être toujours adressé comme ça, que ce soit à la radio, dans les spectacles, au masculin, de se faire absorber dans cette masculin universel, c'est horripilant. On a vraiment l'impression qu'on ne s'adresse pas à nous, en fait. Ouais. Mais aussi, de manière plus large, il y a cette question de l'usage de se définir comme festival queer. Est-ce que c'est une étape nécessaire pour amener de la visibilisation à ces films? Est-ce que ça a le pendant de représenter une sorte de ghetto, un sous-genre comme ça cinématographique? Et puis ça rejoint ces mêmes questions autour des luttes des minorités, en fait. À la fois devoir définir et visibiliser sa différence pour lutter contre les discriminations et ne pas se faire enfermer là-dedans ou définir que par ces différences. Ça, c'est toujours une grande question. Ouais. On continuera d'y réfléchir. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais voilà, peut-être juste pour conclure, personnellement, je vois cette identité queer, ou alors cette posture queer, comme tu avais dit avant, que c'est une identité c'est une identité qui à la fois se crie et se crée dans son opposition au pouvoir normatif. Peut-être une réflexion de fin sur ça, c'était tout. D'accord. On passe au suivant. KKG. Ben oui, auquel on est allé ensemble, King Kong Girl, un spectacle qui se joue en ce moment à Genève et qui va partir pour une tournée par la suite. Alors, une mise en scène de Yvan Ris et Martine Corba. Martine Corba qui joue dans le spectacle avec Antonio Buil et deux musiciens live. Alors, c'est un spectacle qui aborde la question des personnes intersexes avec un bébé qui naît et dont on ne sait dire s'il est féminin ou masculin. Et le parcours de cet enfant qui va être assigné à un rôle social féminin, qui va se poser toutes sortes de questions sur ses désirs, ses rencontres, son corps. Il y a le personnage de la mère un peu présent. Et puis bon, ce qu'on peut... Et une table ronde à laquelle on a assisté aussi le soir où on est allé, avec la volonté de Martine Corba de revendiquer le fait que l'art touche à la société, comme elle dit. Ça, j'ai trouvé très bien comme posture. Elle a fait une démarche très intéressante. Elle a obtenu des bourses, d'ailleurs, pour réfléchir à ces questions d'identité de genre. Ouais. Enfin, une bourse. Une bourse. En 2012. Ouais. Voilà. Qui lui a laissé le temps de travailler. Elle dit que c'est le spectacle qui lui a pris le plus de temps dans sa gestation, comme elle dit. Donc, pendant une préparation pendant laquelle elle a rencontré toutes sortes de personnes qui interviennent à différents niveaux dans cette problématique, qui vivent ça, elle fait le spectacle, et puis là, deux tables rondes qui sont proposées, d'ailleurs la suivante le 6 octobre, mmh. avec différentes intervenantes et intervenants sur cette question. Alors, bah, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette pièce ? Alors déjà, le fait que ça existe et que ça puisse déclencher un débat autour de la question intersexe, mmh. ça, c'est vraiment un premier point positif. Oui, puis il y avait un peu cette... j'étais touchée, ça c'est pas elle qui le revendique comme ça, mais il y a une dimension qui peut être un peu périlleuse, poétique, symbolique, mm-hmm. comme ça. Ouais. Oui, de parler à un autre niveau d'intelligence et pas forcément tout à fait mental comme ça. Et puis bah, surtout parce que ça dénonce la violence de la norme, notamment par la mise en scène de l'usage de cet appareil qui s'appelle le phallomètre, mm-hmm. hein, donc, qui est censé... mesurer ouais. l'appendice génital pour savoir, pour définir en fait si c'est un grand clitoris ou un petit pénis. Ouais, puis quand même, comme son nom le dit, phallomètre, c'est plutôt pour définir si c'est un phallus ou pas. Si cet organe a le droit, ouais. le privilège ouais. d'être associé à un pénis ou pas, ouais. avec vraiment, ben voilà, ça doit faire 1,5 cm. Il y a 7 mm de tolérance et en dessous de ça, ce sera un grand clitoris, donc qui va être coupé. Mmh. Il y a aussi une allusion au fait que cette personne a un petit orifice vaginal et que donc elle, on lui met des sortes d'appareils, de sondes pour élargir toujours plus son organe. Donc ça, c'est d'une violence incommensurable. Mmh. Mais là aussi, de nouveau, un point très positif de cette pièce de théâtre, c'est que ça amène... une visibilité en fait du récit intersexe ou des récits intersexes mm-hmm. et des expériences intersexes mm-hmm. et je trouve oui dans la violence mais aussi dans l'émotion dans juste son existence dans la société et puis ludique, ils ont une dimension ouais. ludique comme ça, mm-hmm. beaucoup chanter, danser ouais. Maintenant ce qui nous a un petit peu dérangé c'est une évocation très régulière à la nature ouais. Il y a beaucoup d'espèces qui sont évoquées comme ayant une dimension, là pour le coup, hermaphrodite. Alors on attendait Crépidule, mais Crépidule n'est pas venu. Non. Non, il y a eu les escargots, je ne sais plus maintenant. Il y a des sortes de lézards, je crois, il me semble. Ouais. Et du coup, ouais. bah, c'est toujours cette ambiguïté du recours à la nature, parce que d'un côté, on comprend bien le sens où ça rassure, c'est, mmh. Et c'est un fait, il y a énormément de diversité dans la nature de tout ordre et de fluidité. Donc voilà, c'est comme si ça déculpabilisait les gens de dire c'est comme ça, c'est inscrit, on n'y peut rien, c'est biologique. Et en même temps, l'usage du fait biologique a été un grand ennemi bah de toute forme de discrimination, mmh. Notamment féministe, de vouloir inscrire dans le biologique, dans le naturel, des rôles sociaux qui en fait sont construits. Puis d'ailleurs, cette voie biologique, elle est incarnée par un docteur grec. Hein. Oui, alors, donc il y a ce médecin Asclépios, qui est nommé d'après un dieu gréco-romain et qui est joué par... Antonio Buil. Ah oui, Antonio Buil, merci. Déjà, moi, ça m'a un peu fait réfléchir parce que, voilà, alors, c'est le médecin... Mm. Avec la barbe, un peu vieux, un peu houhou, rigolo, comme ça, dans sa vieillesse. Et c'est aussi, voilà, qui inscrit la médecine et le savoir médical dans une histoire masculine. Mm. Et quelque part, ce médecin, dans le spectacle, il me semble qu'il devient... Il est un petit peu aussi son sauveur, à des oui, moments. Oui. Justement parce qu'il amène ce discours plus justificatif... de justification par le biais de la nature. Et oui. ça, voilà, juste moi, ça m'a fait réfléchir. Et puis c'est vrai qu'il existe des sciences et pas une science, et qu'il y a notamment des chercheuses et des chercheurs tout à fait contemporains qui ont beaucoup travaillé sur cette sexuation du corps, dont notamment Anne Fausto-Sterling. Mm-hmm. Alors donc, elle est très connue, cette femme, pour avoir évoqué non pas l'existence de non pas deux catégories sexuelles, mais on pourrait aller à 5. Mais en fait, c'est un gag qu'elle a fait avec ce chiffre de 5 qui visait juste à critiquer et déconstruire le principe même de catégorisation. Oui, parce qu'elle, elle est biologiste. Oui. Donc aussi, elle, entre guillemets, elle sait ce qu'elle fait, dans le sens où elle montre que la biologie peut... Enfin, crée aussi des rôles sociaux ou des catégories sociales et qu'elle peut en créer tant qu'elle veut et les, toujours les justifier aussi. Oui, parce que la question, c'est quel paramètre tu vas prendre pour mm-hmm. définir ce qui fait un être dit masculin ou dit féminin. Voilà. Et justement, plus on est précise, plus on se rend compte qu'il y a une multiplicité de facteurs et qui ont chacun une variation, un degré de variation infini. Mm-hmm. Donc en fait, c'est un peu elle qui a amené cette notion de continuum. Et c'est dommage dans la pièce... Parce que cette multiplicité des catégories sexuelles, en fait, elle est présentée de manière un peu exotisante, ou exotisée, oui. pardon, hein, tu te rappelles, en faisant une allusion à une tradition d'une île océanique, je ne sais plus laquelle, qui aurait dans sa culture une représentation de plusieurs catégories de genre. Mm-hmm. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, je trouve aussi là... Bon, après, je comprends bien que... Une pièce de théâtre ne peut pas tout amener. Mm-hmm. Et ce qui manquait un peu, mais bon, peut-être c'est aussi parce que moi j'adore la critique féministe des sciences et c'est un peu un de mes dadas. Mais voilà, justement, une critique féministe des sciences, mm-hmm. Ça aurait été pas de refus. un petit peu. Oui, toi, tu t'évoquais aussi une binarité qui t'avait un peu titillée. Oui, et je trouvais ça, c'était aussi une faiblesse dans cette pièce, c'était que ça énonçait vraiment une volonté de déconstruire des normes, mais ça a aussi reproduit un certain nombre de normes, et notamment dans la binarité hétérosexuelle, où vraiment, alors peut-être spoiler warning si vous allez le voir, mais à la fin... de la pièce, donc Ligie, qui est cette personne mm-hmm. intersexe, tombe amoureuse d'un homme. Et à un moment, ils discutent ensemble, et puis Ligie, elle dit « Oui, mais moi, j'ai un homme en moi, qui sommeille en moi, je sais pas quoi. Mm-hmm. » Et lui, il dit « Et moi, j'ai une femme en moi, et mon homme en moi pourra aimer la femme en toi. » Puis, ouais, c'est là, genre, mais est-ce que... Attends, là, ça, c'était nécessaire. C'est cette fameuse complémentarité, quoi. C'est dommage. Mm-hmm. Moi, ça, j'ai trouvé dommage. Mais surtout, un grand bravo pour l'organisation de cette table ronde qui fait vraiment un ensemble comme ça, laboratoire de réflexion. Puis c'est aussi un écho par rapport à ce manque-là. À Queer Lisboa, voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et aussi, il y avait une dimension qui était très importante amenée par la table ronde, c'est cette fragilité des mots mm-hmm. pour définir ouais. les choses, hein. Il y avait cette discussion autour de l'usage d'hermaphrodite ou d'intersexe, avec pour une intervenante, l'importance de la dimension poétique d'hermaphrodite, pour une autre de dire oui, mais hermaphrodite, c'est utilisé dans le contexte médical, et surtout ça représente en fait comme s'il y avait l'ensemble des organes génitaux masculins et féminins, ouais. Alors qu'intersexe, c'est pas ça, c'est une variation. Voilà. Bah d'ailleurs, ouais. Le psychanalyste qui était là, mm-hmm. il parlait de... Maintenant, en médecine, on utilise variation de la différenciation. De l'identification ou de la différenciation, okay, ouais, ouais. Suivant quel point de vue. Ouais. Ça, et ça, c'est vraiment important d'entendre. Le fait que ça représente à quel point notre société, elle est avide de catégorisation. Et la violence... Enfin, la violence qui accompagne cette envie folle de toujours catégoriser. Ouais. Et ça, j'aime peut-être juste dire maintenant que... Donc nous, on a suivi il y a 2 ans, 3 ans, un mm-hmm. cours avec Éric Fassin. Oui. Et je trouvais très intéressant parce que lui, il disait qu'on ne peut pas échapper à la catégorisation, mm-hmm. mais on peut remettre en question les catégories que nous avons déjà et en construire des autres qui soient moins, et là pour le coup, dangereuses. Ou moins blessante, plus inclusive. Tout à fait. Ouais, on reviendra là-dessus. Ouais. Puis en fait, voilà, ce qui nous a touché aussi, c'est ce lien, finalement, ça paraît peut-être décousu entre queer, intersexe, trans, etc. Mais derrière ces différentes réalités, pratiques, revendications, il y a un mot qui est fondamental, c'est celui du choix. Ouais. Hein. Et par rapport à la question intersexe, c'est aussi toute une évolution de la médecine qui commence à se faire, de maintenant ne plus intervenir sur le corps de ces bébés, justement, mais de les laisser se développer et choisir dans quel registre ils ont envie d'évoluer. Mmh. Et puis finalement, en conclusion pour ce deuxième podcast... Vas-y Alexandra, youhou. voilà, en fait, on constate dans tout ça, et particulièrement autour de la pièce de théâtre, en fait, l'envie, la motivation à ce que des ponts se créent entre ces différentes sphères culturelles, activistes, de recherche, pour qu'en fait, toutes ces questions puissent être abordées de différents points de vue. Mmh. Et c'est vrai qu'on est très exigeante quand il y a quelque chose sur le système de genre, queer, etc., qui se déroule, parce qu'il y en a tellement peu. Donc ça, en fait, hein, on a un sac d'attente comme mm-hmm. ça, en espérant que les choses soient le plus oui. juste, le plus sensible. Le plus nourrissant. Le plus nourrissant aussi. Ouais. Et donc voilà, ben, vivement que les ponts, que les routes, que tout ça se croise de oui. manière transversale. Oui, yes, ah, bien, beau yeah. retour. On dit dans 2 semaines. Et oui, et on verra avec quel sujet, mais bonne quinzaine d'ici là. Ouais, ciao ciao, tchis. Tchis. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com, avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod, avec des liens et des infos sur les thématiques abordées. Ciao !